Chapitre 10e, les convives. Ce jour-là, tous les vitres coloriées étincelaient de lumière. Les meilleurs vins d'Espagne montaient de la cave profonde aux tables dressées dans la grande salle. Autour de ces tables, sur des sièges couverts des plus riches étoffes d'Orient, se tenaient assis les premiers négociants et les premiers capitaines de Saint-Malo, les Groux, dont les aïeux avaient eu François Ier pour parrain, les Magons, les Danigans, les Lefer, les Bellistes, les Porré, les Chapdelaine, les Lamennais, ancêtres de l'illustre l'abbé. Enfin, tous ces hommes assez riches et assez magnifiques pour faire à Louis XIV un cadeau de 30 millions, en attendant qu'il donnasse une flotte à Duguay-Trouin pour aller prendre Rio de Janeiro. Ces rois de la mer étaient d'ailleurs reconnaissables à l'opulence de leur costume. Ce n'était que pourpoint de soie, brochet doré d'argent, manteau de velours double d'hermine, épée enrichie de perles et de diamants. Quant aux femmes, leurs amples robes de brocart, leurs coiffures, leurs dentelles et leurs bijoux, sans compter leur charme naturel, n'eussent point déparé la cour de Versailles ou les petits appartements de Marly. Il y avait bien quelque incohérence dans toutes ces toilettes inaccoutumées. Un certain parfum de tabac et de goudron s'échappait des jabots et des perruques de nos corsaires. Leurs bras rudes et nerveux maniaient les verres d'une façon qui trahissait l'habitude des pistolets d'abordage. Et parmi les plus blanches mains de ces dames, quelques-unes semblaient capables de souffleter un roi, comme Mademoiselle Lelarge. Mais cela ne faisait qu'ajouter encore au caractère original du banquet. M. Trouin se distinguait au milieu de ses convives par la mâle simplicité de ses manières et de son extérieur. C'était un beau vieillard, encore plein de force et de vivacité, terrible par ses épaisses moustaches noires, à la mode du dernier règne, et vénérable par la chevelure argentée qui tombait comme une cascade de neige sur ses épaules. Fidèle aux habits et aux coutumes de sa jeunesse, on le prit pour un cavalier de la Fronde, à voir ses larges culottes, son pourpoint flottant et sa collerette taillée en pointe. La garde de sa vieille épée était le seul bijou qui trancha sur le drap brun de ses vêtements. Sa figure ouverte et colorée, ses gros yeux injectés de sang annonçaient à la fois la violence et la bonté. Une certaine grimace et un juron significatif lui échappaient de temps en temps contre la goutte qui le tourmentait depuis plusieurs années sans pouvoir dompter son courage. Il commandait à tous avec la même autorité qu'à lui-même, et sa femme seule triomphait de sa dureté par une douceur inaltérable, comme les pentes insensibles qui arrêtent l'océan bien mieux qu'un obstacle à pic. Cette tendre aménité respirait sur le visage encore beau de Madame Trouin, dans ses traits calmes et souriants, dans son embonpoint d'une blancheur sereine, et jusque dans l'arrangement de sa riche toilette où les couleurs les plus pâles se fondaient harmonieusement. M. Trouin avait à sa droite Madame la comtesse Gabrielle de la Bourdonnais, la reine de la fête. On la reconnaissait d'ailleurs au respect de tous et à son éclatante beauté. Imaginez la tête de Vénus avec la taille de Diane, des joues de rose et des épaules de marbre, des yeux d'un bleu mourant, avec des cheveux d'un noir de jais, un mélange prodigieux de grâce et de vigueur, de naïveté et de résolution. Tel était effectivement le caractère de Madame de la Bourdonnais. Veuve sans avoir été mariée, comme nous l'avons dit, elle profitait de toute la liberté de sa position au grand désespoir de sa double famille. Elle secouait en souriant, avec une aisance au-dessus de son âge, le joug de la naissance, celui de la fortune et celui des préjugés. Elle avait refusé naguère la main d'un prince, réservant ses millions et sa personne à l'homme qui lui plairait. En un mot, c'était une de ces femmes qu'on appelait déjà des lionnes. Car nous avons emprunté le mot au XVIIe siècle, Monsieur de Chateaubriand, cet illustre Malouin, nous l'apprend dans la vie de Rancé. La comtesse portait avec une audace et un bonheur qui n'étaient qu'à elle, une espèce de robe de cheval en lampas pourpré or, avec un chapeau noir à plumes blanches, sans autres ornements que deux pierres du Brésil, qui valaient 30 000 livres chacune. Quelque honorable que fussent M. Trouin et ses amis, jamais négociant corsaire n'avait eu si grande dame à leur table. Mais la gloire qu'ils en tiraient n'était rien près de la joie de la comtesse. Elle n'avait exprimé qu'un regret dès la veille, et elle l'avait fait vivement, à plusieurs reprises, c'était de ne pas voir M. René Duguay à cette fête de famille. « Monsieur Trouin, s'était-elle écriée, vous oubliez que votre fils m'a sauvé la vie au péril de la sienne. Cela n'est pas bien. Je m'en souviens, moi, et j'espérais lui en témoigner ici ma reconnaissance. Il devait partager avec moi les honneurs de cette journée. » Elle avait même, de sa voix la plus doucement impérieuse, conjuré le vieux corsaire d'envoyer un express chercher René à Caen pour le bal. Même ce Trouin, après une hésitation galante, avait osé refuser. « René travaille, madame, » avait dit ce père inexorable. « Il travaille même admirablement depuis 2 mois. Il m'a écrit qu'il a repassé tous ses auteurs latins et que les Pandectes lui inspirent un intérêt singulier. J'ai attendu 3 ans sur cette bonne résolution. Gardons-nous de la renverser par un moment de faiblesse. Qui sait si la vue de la Gabrielle et de vos beaux yeux, madame, ne lui tournerait pas encore la tête pour 3 ans ?» Le compliment avait flatté la comtesse, mais le refus l'avait piqué au vif. S'adressant alors à Luc Trouin, « Si vous tenez mon estime, lui avait-elle dit, et si vous aimez votre frère, il sera ici demain soir. Ma voiture, mes chevaux et mes gens sont à votre disposition pour l'aller chercher. » Luc avait rougi, pâli, tremblé, puis jeta à l'oreille de la noble dame un mot qui l'avait apaisé comme par miracle. Elle n'avait plus dès lors parlé de M. René, et elle avait présidé à toutes les cérémonies avec enchantement, chuchotant parfois à l'écart avec Luc, riant du plus grand cœur de la confiance de M. Trouin, et se retournant vers un groupe de masques qui suivait gaiement la fête. Le chef de ce groupe, on le devine, n'était autre que Duguay en personne. Caché sous un brillant costume de gondolier vénitien, il avait assisté à la bénédiction de la goélette par l'évêque et le clergé de Saint-Malo. Il avait entendu et tiré plus d'une fois les coups de canon et de fusil. Il avait accompagné la promenade triomphale de la Gabrielle dans la rade de Dinard. Enfin, il avait remporté le prix de force et d'adresse dans la course de bateau qui avait terminé la journée. Ce prix était une magnifique chaîne d'or, offerte par la noble marraine du navire. René avait osé l'aller recevoir de la main de la comtesse au risque d'être reconnu de son père, qui accourait embrasser le vainqueur. Mais tandis que la goutte retardait les pas du vieux corsaire, le jeune gondolier, baisant la main qui le couronnait, avait regagné d'un bond son canot. M. Trouin était arrivé pour applaudir à ce nouveau tour de force, sans savoir qui l'avait exécuté, ni pourquoi tout le monde riait autour de lui.